Le carnaval de Nice. Прослушайте текст и перечислите мероприятия, которые проходят в день карнавала. Le carnaval de Nice est la fête du printemps. C'est la plus éblouissante et spectaculaire de toutes les fêtes françaises. Le carnaval dure en général 3 jours et débute le premier soir par des illuminations de la ville entière qui annoncent l'arrivée de Sa Majesté Carnaval, grande effigie grotesque et multicolore. Un grand défilé de chars, de marionnettes, de danseurs parcourt la ville pendant 3 jours. Il y a des batailles de fleurs, des bals masqués, des cavalcades. Le dernier soir, le carnaval se termine par un grand feu d'artifice où est brûlée Sa Majesté.